Louis Pergaud, l'argument décisif. Tiré du recueil Les Rustiques. Lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. On avait chargé le jeune Camus d'une mission de confiance et il n'en était pas fier à demi. Comme ce matin-là, il baguenaudait par la cuisine, traînant ses sabots sur les dalles pour faire du bruit, attendant sans impatience aucune l'heure de l'école, son père, revenant de l'étable, l'interpella à brûle-poil, au moment précis où il posait, en guise de tampon, son mouchoir de poche sur une poignée de noisettes, adroitement subtilisées du sac où la mère les avait serrées. « Qu'est-ce que tu fous là ?»« Moi, rien, » répondit-il. D'un coup d'œil scrutateur, le père l'examinait, et le gars, craignant d'être fouillé, commençait à n'en pas mener large, une dent se soignée ne manquant jamais de punir sans sursis tout vol domestique. Aussi fut-il ahuri d'entendre son vieux lui ordonner sans autre interrogatoire inquiétant. « Tu vas aller tout de suite mettre tes souliers. » S'attendant à la paire de claques, prélude à la raclée, l'avant-bras déjà presque levé pour la parade habituelle, Camus en demeura un instant muet de stupéfaction. « Pourquoi faire ? » interrogea-t-il au bout de quelques secondes, à peine rassuré, mais se ressaisissant tout de même. « Tu vas mener notre bique au bouc du père Gauzet. »« Mener la bique ? » ?»« Oui. »« Hein ? De quoi ? » répliqua le père. « Ça ne va pas un mot aux cieux ? Faut peut-être que j'écrive à l'archevêque pour qu'il vienne. » ?»« Non, mais non, papa, au contraire. » Ça veut dire que je suis bien aise d'aller. Et pis même que tu peux être tranquille. La Blanchette, elle s'en viendra pas sans avoir pour ses 8 sous. Qui c'est qui te demande des explications, sacré morveux? Tu vas fermer ton bec d'abord. Et si tu dis un seul mot de la chose à Lebrac ou à un autre de tes camarades, je te préviens que c'est à moi que tu auras affaire. Moi, je leur ai jamais rien dit, protesta Camus. Pourquoi que je leur dirais quelque chose? C'est bon. File et grouille-toi un peu, hein, nom de... Camus ne se fit pas répéter une injonction aussi impérieuse, et dans sa précipitation à lasser ses brodequins, en cassa même les 2 cordons. Mais il se garda bien de l'avouer, se contentant de réparer le mal, nouant 2 bouts l'un à l'autre pour reconstituer le premier, et remplaçant le second par un bout de ficelle de longueur suffisante. 2 minutes après, un foulard de coton au cou et son béret Le Vengeur planté sur la tignasse épaisse, il attendait, dans une posture recueillie et digne, les ultimes recommandations paternelles. « C'est bien compris, » articula le père. « Voilà 8 sous que tu donneras à Gauzet. Ne les perds pas, surtout. Et tâche moyen que j'apprenne que tu as baguenaudé le long du chemin, si tu as envie que je prenne la trique. Tu monteras par le petit sentier. » Camus prit dans sa main gauche les 4 décimes, et de la droite se saisit de la corde, au bout de laquelle Blanchette, bêlante, la queue animée d'un perpétuel frétillement, attendait qu'on se mît en route. Heureux comme un prince, il s'engagea dans le bois par le sentier de la côte, se tenant à 4 pour ne pas entonner son refrain favori. Rien n'est si beau qu'un artilleur sur un chameau. C'te veine, monologuait-il. Une classe de guapés, et moi que je savais justement pas mal son de système métrique. Les mesures de volume, c'est ça qui est embêtant. Peut-être que Lebrac va se faire foutre en retenue. Et puis Tintin aussi, et puis Boulot. Et puis moi, je m'en vais rigoler avec le bouc au père Gauzet. Mais... Il en fait une gueule quand il voit la bique s'amener. Ce qui vont rien être épatés les autres quand j'y raconterai comment qu'il a fait. Ah, le père, il veut pas que j'en parle aux autres. Il veut pas que j'y dise. Eh bien, j'y dirai quand même, na. Et enchanté, d'une voix suraiguë, poussant de tous ses poumons, il beugla aussi haut qu'il put. « Rien n'est si vilain qu'un fantassin sûr !» Mais ce hurlement de joie, auquel ne s'attendait guère Blanchette, l'épouvanta tellement qu'elle fit un écart terrible, et bondissant en avant, envoya son conducteur rouler les 4 fers en l'air, toutes paumes ouvertes, en plein milieu du taillis. Un blasphème de rage jaillit de la gorge de Camus, mais songeant avant tout à sa chèvre, sitôt redressée, il se précipita sur la corde. L'ayant ressaisie, il ramena bien vite Blanchette sur le lieu de l'accident et l'attacha solidement au premier baliveau venu. « Salvage, chameau, mûri !» hurlait-il. « Je t'en vais flanquer, moi, des coups de trique. Attends, vieille charogne !»« Et mes sous ? Bon Dieu de mon Dieu, mes sous que j'ai laissés tomber ! Où qui sont maintenant mes 8 ronds ?» Un frisson froid courut dans le dos du gamin. S'il n'allait pas retrouver son argent, comment aller sans la somme réglementaire trouver ce vieux rapia de Gauzet qui ne transigeait pas sur de telles questions ? D'un autre côté, comment revenir à la maison sans avoir rempli la mission dont on l'avait chargé ? Faut que je les retrouve, y a pas de bon Dieu, décida Camille. Et tout en se frictionnant les côtes, ayant bien délimité le canton où devaient se circonscrire ses recherches, il se mit sans tarder à la besogne. Y a du pied, s'exclama-t-il joyeusement au bout d'une minute, en découvrant un gros sou. Nul doute que les autres allaient apparaître à leur tour. De fait, après quelques investigations savantes, un nouveau décime apparut encore entre deux souches, et il s'en saisit précipitamment. Enfiévré, il continua à fureter avec ardeur, tandis que Blanchette, furieusement impatiente, bêlait sur son ton lamentable et suppliant. « Braille donc, vache !» marmonnait Camus. « Ça t'apprendra !» Mais le malheureux conducteur eut beau multiplier ses sondages, découvrir pouce par pouce le sol, détourner toutes les feuilles et toutes les branches l'une après l'autre, pas une piécette nouvelle n'apparut. Et, un quart d'heure après, morne et désolé, il pleurait à côté de sa chèvre. « Comment faire, grand Dieu, comment faire ?» Des envies folles lui venaient de rosser Blanchette à coups de trique. Mais cela ne changerait rien à la situation, et furibond, il sacrait comme un païen pour se soulager un peu. Le front barré des plis de la plus douloureuse perplexité, il était là, immobile, demandant, après l'avoir vigoureusement blasphémé, un miracle à son Dieu. Quand apparut au loin la silhouette de M. le curé de Roquefontaine, qui venait déjeuner avec son collègue de Longeverne, Camus crut au miracle et remercia le ciel. Pleurant à chaudes larmes, invoquant tous les saints du paradis, il symbolisait la désolation la plus intégrale quand le voyageur, approchant, ému d'un tel désespoir, le rejoignit enfin. « Qu'est-ce que tu as, mon enfant ?» En phrases entrecoupées, noyées de larmes, hachées de sanglots, Camus exposa la situation, narrant à sa façon l'accident. « J'ai plus que 4 sous, et je peux pas aller comme ça chez Gauzet. Et puis si je rentre chez nous, c'est mon père qui va me ficher la pile. » « C'est bien ennuyeux, en effet, » concéda l'interlocuteur. « Ah, si j'avais encore 4 autres sous !» insinua dolemment Camus. Mais monsieur le curé ne comprit sans doute pas le sens de cette insidieuse allusion. Toutefois, comme il ne voulait pas abandonner dans les eaux de la tribulation le jeune paroissien de son confrère, il lui donna quelques salutaires encouragements. « Ne pleure pas comme ça, mon gros. Le père Gauzet est un brave homme et comprendra très bien le malheur qui t'arrive, et il se contentera des 4 sous qui te restent. » « Ah ça non, monsieur le curé, » protesta Camus, qui savait déjà ce que c'est que la vie et connaissait le prix des choses. « Mais si. Je vous dis que non. Je te dis que si. « Ah, vous croyez, » reprit le gosse. « Et vous croyez ça ?» Et voulant à tout prix trouver une raison qui convainquit son partenaire, qui le mit au pied du mur, il lui lança en pleine figure cette irréfutable apostrophe. « Voyons, monsieur le curé, est-ce que vous le feriez bien, vous, pour 4 sous ?